Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici première. Promutuelle Assurance est fière de présenter ce balado. Assurance auto, habitation et entreprise, on est là pour vous offrir les protections adaptées à vos besoins. Pour assurer votre paix d'esprit, Promutuelle Assurance est là. Bonne écoute. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'accident d'Ayrton Senna sur le circuit d'Imola en 1994. Oh là là! C'est Senna! C'est Senna! Oh là là! Un impact extrêmement sévère. Ben, ce Grand Prix, il est maintenant un Grand Prix maudit. Senna a frappé avec violence. Regardez! Le 1er mai 1994 est un jour noir dans l'histoire de la Formule 1. Ce jour-là, le grand champion brésilien Ayrton Senna perd la vie à la suite d'un accident tragique sur le circuit d'Imola en Italie. Grand prix maudit, dit l'animateur Pierre Aude au moment de l'accident de Senna. En effet, deux coureurs vont perdre la vie lors de ce week-end noir du Grand Prix de Saint-Marin en 1994. Racing driver Ayrton Senna has been killed in the San Marino Grand Prix. Senna a coûté, il m'a donné pour moi comme un enfant, mon équipe m'a raté. Ce matin dès l'aube, des milliers de Brésiliens s'étaient rendus à l'aéroport international de São Paulo pour attendre la dépouille du pilote brésilien de Formule 1 arrivé vers les 6 heures par un vol Varig en provenance de Paris. Ayrton Senna, l'orgueil du Brésil, a reçu les honneurs d'un chef d'État. 60 coups de canon ont été tirés. Une foule immense, on parle de millions de personnes, a suivi le cortège funèbre entre l'aéroport et le Parlement de l'État de São Paulo, où le cercueil recouvert du drapeau du Brésil sera exposé jusqu'à demain. Alain Prost, ancien grand rival et coéquipier d'Ayrton Senna, assistera aux obsèques. La mort de Senna, dimanche, sur le circuit italien d'Imola, à 310 km à l'heure, a provoqué la stupeur au Brésil, où un deuil national de 3 jours a été décrété. Le journaliste Claude Lavoie, le 4 mai 1994, la veille des funérailles d'Ayrton Senna au Brésil, pour nous rappeler les circonstances tragiques de cette mort d'Ayrton Senna le 1er mai 1994. Je reçois Pierre Aude, animateur à RDS. RDS, d'ailleurs, qu'on remercie de nous avoir permis de diffuser l'extrait que vous venez d'entendre au tout début de l'émission. Pierre Aude, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est vous qu'on entendait, Pierre Aude. Vous étiez là ce jour-là, vous décriviez ce Grand Prix. Qu'est-ce que ça vous fait de vous entendre, d'écrire ce moment-là? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête, des années plus tard, quand vous repensez à cet accident d'Ayrton Senna? Bien, il vient deux choses instantanément. La première, c'est qu'on n'est pas supposé, dans notre métier, avoir à décrire la mort en direct. Donc, rien ne nous prépare à cette éventualité, bien que lorsque l'on décrit le sport automobile de très haut niveau, nous connaissons... Nous, comme commentateurs, autant que les pilotes, nous connaissons l'univers de risque dans lequel nous œuvrons. Dans l'autre cas, qui est beaucoup plus relié à la personne comme telle qui est disparue cette journée-là, c'est d'avoir perdu l'un des plus grands héros, je vais utiliser ce terme-là, l'un des plus grands héros qu'ait connu le championnat du monde de Formule 1 depuis sa création en 1950. Parce qu'en 1994, quand il perd la vie sur ce circuit, c'est une vedette de la Formule 1, mais c'est un grand, grand champion. À ce moment-là, Ayrton Senna. Plus que ça, Jacques. Il est déjà un mythe. Oui. C'est rare qu'on dise ça des pilotes qui sont encore actifs et évidemment encore en vie, parce que souvent, la mort des pilotes en piste a contribué au mythe. Mais dans le cas de Senna, il est déjà mythique. Pourquoi? De par ses exploits, mais de par son coup de volant unique. Vous savez, son surnom de Magic ou de magicien, il l'a pas volé. C'est un surnom qu'il a bâti dès ses premiers coups de volant dans une modeste voiture au milieu des années 80. C'est là qu'il a bâti littéralement cette réputation qui, je le dis encore, était déjà plus qu'une réputation. Ouais. C'était carrément déjà un mythe. On disait qu'il était un jusqu'au boutiste. Prêt à tout. Et un homme d'une foi profonde qui, littéralement, liait ce prêt-à-tout scepticisme à sa foi chrétienne très, très profonde. Ouais. Et puis, une fiche spectaculaire. 3 fois champion du monde. Maître du... Combien de pole positions? Le roi des pôles jusqu'à ce que Lewis Hamilton, ici même à Montréal d'ailleurs, le rejoigne dans l'histoire de la Formule 1. Celle-là, on avait quoi, une soixantaine? 65. 65. Ouais. C'était à l'époque, disait-on, un plateau impossible à atteindre, ce qu'on a réussi à atteindre, évidemment, dans l'ère moderne, plus moderne, en fait, de la F1. Et puis un maître, pour parler, finir sur le style, sur le genre de coureur qu'il était, quand on dit qu'il avait peur de rien, maître, quand il pleuvait, c'était vraiment le roi du circuit. C'était, écoutez, on a beaucoup ressorti l'histoire, et avec raison, du Grand Prix qu'il a mis au monde, littéralement, le Grand Prix de Monaco, qui a été arrêté à peu près à la moitié de son déroulement. À cause du déluge, il était en train de rattraper Prost et de gagner ce Grand Prix-là avec une modeste Tolemane. Mais pour ceux qui veulent aller fouiller un peu dans les documents d'archives, vous pourrez toujours aller voir son tour d'anthologie l'année avant son décès, au volant d'une McLaren beaucoup plus modeste soudainement parce qu'elle doit se rabattre sur un moteur Ford client, de type client, et sous un déluge à Donington, Senna fait ce qui, pour moi, encore aujourd'hui, est le plus beau tour d'un pilote de Formule 1 dans l'histoire de la F1, bien que je n'ai pas vu courir Fangio ou Ascari, mais c'était vraiment, encore aujourd'hui, un des moments les plus mémorables. Vous parliez, Pierre-Aude, d'Alain Prost, c'est évidemment cette rivalité entre Prost et Senna, un incontournable quand on fait une émission sur Ayrton Senna. Deux des plus grands champions de l'histoire de la Formule 1 dans le sable, pour un final raté. Chacun accuse l'autre, le plus meurtri c'est bien sûr Prost, réaction épidermique. L'envie de lui mettre mon poing dans la figure m'a traversé l'esprit et j'ai tellement été dégoûté, vraiment, j'ai même pas eu l'envie parce que je crois qu'il me dégoûte profondément. Si par hasard vous n'aviez pas encore vu ce départ, le voici de nouveau. Prost démarre plus rapidement, la puissance du moteur Honda permet à Senna de se rapprocher, mais pas de revenir suffisamment à hauteur de la Ferrari. Lorsque la courbe approche, Senna n'a plus le choix, Prost non plus. Le Français est obligé de tourner, seulement voilà, la McLaren est au niveau de la roue arrière de Prost, l'accrochage est inévitable, c'est nul pour tout le monde, c'est nul pour la Formule 1. Décevant ou pas, Ayrton Senna, après 1988, devient pour la deuxième fois champion du monde des pilotes. Par exemple, le fameux incident où Prost et Senna se sont touchés et sortis du route à Suzuka. Senna m'a raconté que c'était pas, on lui a mal interprété et qu'il a seulement dit que lui et Prost ont cherché d'être sur la même partie du route et ils sont touchés. Ça, c'est une chose qui est arrivée à chaque pilote de course du plus bas au plus haut. Ça arrive souvent parce que c'est une contestation sur une pièce de terrain, alors quelqu'un doit céder, mais ça arrive de temps en temps que personne ne cède. Mais alors là, il avait une défense, c'est certain. Extrait d'un reportage de Lionel Chamouleau d'abord, aux 20h d'Antenne 2, le 21 octobre 90, suivi du commentaire que vous venez d'entendre de Max Mosley, qui à l'époque était président de la FISA, la Fédération internationale du sport automobile, à l'émission donc L'univers des sports en octobre 92, l'extrait de cette entrevue. On ne peut pas évidemment passer à côté de cette rivalité entre Prost et Senna, Pierre-Aude. Avant de nous parler de la nature de la rivalité, revenons un petit peu sur ce qui s'est passé lors de ce fameux Grand Prix du Japon en 90. Ben, c'est que beaucoup de gens l'ont vu comme étant un droit de réplique de Senna au propre mouvement limite d'Alain Prost à son endroit l'année auparavant. Et Mosley, j'aime bien, qui était président de la FIA à l'époque, j'aime bien qu'il apporte une nuance sur le plan sportif. Parce que encore aujourd'hui, Jacques, on accepte que lors d'un premier tour, on accepte chez les commissaires d'être beaucoup plus ouverts d'esprit sur les incidents comme tels. On veut éviter les procès d'intention. Donc, on dit souvent au premier tour d'un Grand Prix, s'il y a presque un côte-à-côte et qu'il y a un contact qui peut être un contact fatal sur le plan sportif pour un autre pilote, on peut le tolérer et on peut l'admettre. Dans ce cas-ci, c'était beaucoup plus lourd que ça dans l'histoire. La rivalité, elle était absolument terrible entre les deux à l'époque. Terrible dans le sens positif pour bien des gens, parce que si on n'avait pas eu cette rivalité à l'époque où McLaren dominait outrageusement le plateau, on n'aurait pas eu un championnat du monde aussi relevé. Alors certains diront que c'est tant mieux, on laissait les deux pilotes se battre en piste, on laissait l'un établir sa domination sur l'autre, mais vous aviez deux surdoués, vous aviez deux pilotes complètement différents sur le plan de l'attitude, Prost, le professeur, Senna de magicien. Imaginez le clash. Ouais. Un professeur contre un magicien. Et évidemment, deux hommes qui veulent terminer premier à tout prix. Parce qu'ils ont et la monture et le talent pour l'être. Alors, ça a donné ce genre de confrontation. Et celle-là a été probablement celle qui est allée là, vraiment au niveau ultime. Mais ça va aller loin. On l'entend dans cet extrait. L'inimitié, en fait. Prost est plus que fâché. Là. Ça va être très, très dur. Pendant des années, ils ne se parlent à peu près pas. Une inimitié qui va s'adoucir quand Prost s'en va chez Williams, qui devient champion du monde en 93. Et le passage ensuite de Senna chez Williams se fait parce que Prost est à la retraite chez Williams. Et soudainement, Prost et Senna se recroisent dans les corridors à Oxford, dans les usines de Williams. Et croyez-le ou non, Jacques, deviennent de bons amis. Ouais. Incroyable. Revenons un petit peu plus près de cet accident de 94. Commençons par ce début de saison 94, Pierrot. Dans quel état d'esprit Ayrton Senna amorce-t-il cette saison-là? Très mauvais. Il déteste sa voiture. Il déteste sa nouvelle voiture. Lui qui avait beaucoup d'espoir en quittant une écurie McLaren qui était à son déclin, qui cherchait un motoriste pour l'appuyer comme à la belle époque de Honda. Voilà que Senna se retrouve dans un univers en principe très fort. L'alliance Williams-Renault est une combinaison, je le dis bien, en principe très très forte. Il déteste sa voiture, il déteste l'habitacle, il déteste le manque de confort, et quand je dis confort au sens pur du terme du pilotage pointu en F1, il déteste toute sa voiture. Senna doit aussi apprendre à vivre avec un recul très fort des règles ou des normes qui ont été beaucoup plus sévères au niveau de l'électronique. Ouais. On a systématiquement interdit toute assistance électronique au pilotage à compter de 1994. On trouvait que ça avait été trop loin. C'était beaucoup trop loin. C'était fou complètement, Jacques. Le pilote n'avait plus littéralement le contrôle de sa voiture. Ce que le président Mosley, qu'on a fait entendre précédemment, a choisi délibérément d'imposer un recul très fort. Donc Senna n'est pas heureux et Senna arrive à Imola. Il n'y a pas aucun point au classement. Un système de points moins généreux à l'époque, mais quand même, aucun point au classement. Et Senna est donc, sur le plan sportif, très inquiet, même si la saison est très jeune. Ouais. Mais c'est pour lui une pression énorme. C'est un grand champion, aucun point encore, un début de saison catastrophique pour lui. Et arrive donc le Grand Prix de Saint-Marin avec un circuit qu'il connaît, que tous les pilotes connaissent, qui a une réputation d'être très, très difficile. Comment le décrire, ce circuit-là, Pierre-Aude? Un circuit qui fait peur. Oui. Et moi, je vais vous avouer que pour l'avoir fait au complet à pied, je peux comprendre très bien ce que ressentaient les pilotes dans la configuration de l'époque. Parce qu'il n'y a pas seulement la courbe de Tamburello qui a été le théâtre de la mort de Senna, mais il y avait plein d'autres endroits qui étaient très difficiles. Et un des problèmes avec ce circuit, c'est qu'on ne pouvait améliorer la sécurité du circuit parce qu'il y a un cours d'eau. Comme Tamburello, par exemple, il y a un cours d'eau, il y a une rivière qui se déploie tout près du muret de protection. Ouais. Et les pilotes, de plus en plus, se sentaient obligés de négocier Tamburello, par exemple, presque à fond. La fameuse courbe, là. La fameuse courbe, où on est à la limite de l'appui. Mais en même temps, Senna avait dit à Gerhard Berger, le vétéran pilote avec lui à ce moment-là, enfin, chez une autre écurie, mais au cours des essais d'hiver, il avait dit, j'ai bien peur qu'un jour, quelqu'un, un pilote, va connaître un accident fatal à cet endroit. Donc, un circuit dangereux, circuit atypique, puisqu'il tourne surtout par la gauche par rapport aux normes habituelles des circuits par la droite. Et un circuit, donc, qui, je le disais, faisait peur aux pilotes d'entrée de jeu. Donc, c'est beaucoup, quand on parle d'état d'esprit d'Ayrton Senna, tout ce que vous venez nous décrire, début de saison catastrophique, des nouvelles règles qu'il n'aime pas, exit tout ce qui est électronique, une voiture qu'il n'aime pas, un circuit qu'il craint, qu'il redoute, comme tous les pilotes du circuit. Et puis ça commence. Ça commence et ça va vraiment être un week-end noir, ce week-end-là. Dès le début, dès les essais du vendredi, il y a un premier accident, Pierre. Et un accident qui survient à celui qui est déjà étiqueté le dauphin, le successeur d'Ayrton Senna. La fameuse chaîne brésilienne, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, elle doit se poursuivre avec un certain Rubens Barrichello, tout jeune à l'époque, fait son entrée en F1 chez Jordan et qui sort à la variante Bassa, qui est la chicane qui ramène les voitures vers la ligne de départ-arrivée, sort à très, très haute vitesse et connaît, évidemment, est victime d'un accident terrible. Si vous le revoyez encore aujourd'hui, ça vous donne la chair de poule. Et donc, il va survivre, il va s'en tirer, sans trop d'égratignures, bien qu'il ne courra pas le Grand Prix, ouais. Parce qu'il a quand même des séquelles de cette terrible sortie. Donc, dès le vendredi, c'est comme si la série noire s'amorçait. Ouais. Et en plus, elle touche quelqu'un qui est très, très cher au cœur de Senna. Voilà, parce que c'est un peu son fils spirituel, celui qui, son dauphin, en quelque sorte, ce plus jeune Brésilien. Ça se poursuit, donc, cette série noire, dès le lendemain, avec un deuxième accident, celui de l'Autrichien Roland Ratzenberger. Il va perdre la vie dans cet accident-là. Et ça, évidemment, ça ébranle tout le monde, et au premier chef, Ayrton Senna. Senna est déjà très ébranlé le vendredi soir, lorsqu'il est à l'hôtel, même si Barrichello est rassurant. Au téléphone, il lui dit « Écoute, ça va, je retourne en Angleterre, je vais regarder la course à la télévision. » Senna est déjà ébranlé. Et lorsque Ratzenberger a son accident et que les premiers échos font état d'un accident mortel, Senna est hors de lui, réclame une voiture d'intervention pour aller lui-même se rendre sur les lieux de l'accident, ce qui en principe aurait pas dû se faire, et ouais. Ça va lui valoir des réprimandes le lendemain. Senna veut aller constater ce qui s'est passé, veut voir le théâtre, le terrain sur lequel est arrivé cet accident mortel. Donc, ça vous donne une idée déjà à quel point il était à la limite de cet état d'esprit chez ouais. les pilotes, entre la confiance et la peur, carrément. Ouais. Il sera là. À l'hôpital, il va parler à quelqu'un qui est son ami, en fait, le docteur Watkins. Mais parlez-nous de cet épisode-là, parce qu'au fond, ça nous dit tout sur son état d'esprit. Ben, lorsqu'on apprend que Ratzenberger est décédé, Senna est aux côtés du docteur Watkins, qui est le médecin-chef d'intervention à l'époque et qui a eu cette fonction pendant plusieurs années. Le docteur Sid Watkins regarde Senna. Senna se penche sur son épaule et presque en pleurs. Et Watkins commençait déjà à ressentir l'état d'esprit très dangereux, dans le fond, d'Ayrton Senna. Il lui dit, tu sais, Ayrton, il n'y a plus rien qui t'oblige à faire ce métier-là. Il ne parle pas de la course du lendemain. Il lui a dit, pourquoi toi et moi, on ne va pas à la pêche dans ouais. la place? T'as le droit d'arrêter. T'es déjà champion du monde. T'es déjà Magic. T'es déjà le magicien. Pourquoi t'arrêtes pas? Il a dit, je n'ai pas le droit d'arrêter. Mon destin, c'est celui-là. Ma religion, ma croyance, ma foi me fait dire que je n'ai pas le droit d'arrêter. Là, il n'arrêtera pas. Le dimanche, il est en piste avec une autre fois la pole position. Et dès le départ de ce Grand Prix, troisième accident. Un troisième accident qui n'a pas eu, heureusement, de conséquences pour les pilotes impliqués, mais deux jeunes pilotes, l'Italien J.J. Leto, le Portugais Pedro Lamy. Un accident très sévère au départ qui va demander la voiture d'intervention pour 5 tours. Et tout ça après que Senna, dans les réchauffements du dimanche matin qu'on permettait à l'époque, eut réalisé un temps canon ouais. Sur sa voiture. Alors, on croyait que le Ayrton que l'on espérait était de retour et qu'il avait réussi, comme les pilotes le font si souvent, à oublier le danger, à oublier le risque qu'il y a autour. Et donc, c'est une très, très longue neutralisation de 5 tours. Ça semble pas beaucoup, Jacques, ouais. mais quand vous avez à rouler très lentement derrière la voiture de sécurité, ça peut devenir un problème. Situation qui a peut-être éventuellement expliqué sa sortie de piste. Ouais. Parce que, et quand ça se termine, quand la voiture de sécurité quitte la piste et que c'est reparti, le tour qui suit, vraiment, Senna, il vole, mais va évidemment advenir ce que l'on sait. Jusqu'au bout de l'horreur, et oui, c'est Senna qui est coincé dans cette Williams Renault, qui a tapé violemment dans Tamburello. Senna, qu'on a vu vraiment KO très longtemps, voici la vue depuis la voiture de Schumacher, et puis direct, sa voiture, regardez la Williams Renault, réduite à l'état d'épave, et un moment terrible d'intensité. Quelque chose, peut-être à l'arrière, qui scintille, et puis Senna sort de la piste, Alain. Non, de toute façon, c'est une rupture mécanique. Ça peut être une roue, mais vraisemblablement une suspension. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un élément aérodynamique qui s'en va avant. Mais on voit très bien de la caméra de Schumacher que directement la voiture change de cap et se dirige vers le mur. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il l'a pris avec un angle qui est quand même... C'est quand même pas très bien. La preuve, c'est que la voiture s'est arrêtée relativement vite après. qui veut dire que le choc était terrible. Oui, Jean-Louis Moncey, Alain Prost, l'ancien rival de Senna, à l'antenne de TF1, le 1er mai 1994. Que se passe-t-il donc? Il y a deux grandes questions quand on repense à cet accident dans cette fameuse courbe de Tamburello à Pierre-Houd. Qu'est-ce qui explique que Ayrton Senna soit sorti de piste et qu'est-ce qui explique qu'il va perdre la vie à la suite de cet accident-là? C'est ça, c'est que tout se fait en deux temps. La première question, et qui est encore aujourd'hui sans réponse, ou presque, pourquoi a-t-il quitté la piste à Tamburello? Une courbe à 300 km/h et peut-être un peu plus, qu'il a négocié tellement souvent à fond. Il était un maître à cet endroit. Certains imputent à un bris de direction qui aurait été causé par un ajustement qu'il avait demandé. Je vous disais qu'il était inconfortable avec sa voiture. Donc, on a longtemps pensé que le travail n'avait pas été bien fait et qui explique la sortie. Certains pilotes qui étaient derrière disent les pneus froids. Tous ces tours derrière la voiture de sécurité ont piégé Senna sur la qualité de ses pneumatiques. Premier élément, il sort. Deuxième élément, il reçoit le coup fatal. Pourquoi? Parce que la suspension avant de la voiture se casse et toute la pièce de suspension et la roue et le pneu qui font partie de cette pièce viennent à le frapper à la tête à un point tellement fort que son casque en est fracassé et le coup fatal est donc porté. Donc, il y a je le dirais, il y a la sortie de piste d'abord et il y a le coup fatal ensuite. Ouais. Et il y aura des leçons qui seront tirées de ça, entre autres parce qu'on va comprendre ce qui s'est passé et parce que cette mort-là va être suivie d'ailleurs deux semaines plus tard d'un autre accident au Grand Prix de Monaco. Mais tout ça, mais la mort d'Ayrton Senna au premier chef, ça crée vraiment une commotion au Brésil, bien sûr, son corps va être rapatrié là-bas, mais pour des funérailles, mais dans le monde de la F1. Oui, et c'est malheureusement ce que l'on voit aussi lors des catastrophes aériennes, la sécurité évolue beaucoup par la suite. Alors, le président Mosley avait déjà amorcé le recul sur le plan technologique, sur le plan d'électronique. Il a dorénavant fait son cheval de bataille de son mandat à la direction de la Fédération internationale que d'amener les circuits et les voitures et les dispositifs modernes à être appliqués coûte que coûte et d'améliorer la sécurité active autant que la sécurité passive pour les pilotes. Parce que tout ça avait vraiment ébranlé. Il y a une célèbre du journal français, L'Équipe, qui dit tout là et qui annonce les changements qui vont suivre. Après l'accident de Wendlinger, c'était non, mais arrêtez ça. Ouais. C'était la une du fameux quotidien L'Équipe et ça a ébranlé tout le monde. Ça a été vraiment le coup d'envoi de toute une série de mesures qui fait que le sport automobile aujourd'hui, la F1 en particulier, demeure un sport risqué, un environnement très à risque, mais beaucoup moins des risques beaucoup plus, disons, calculés que ce que l'on pouvait connaître à une certaine époque. Et je termine cette émission en vous racontant une anecdote que moi j'ai découverte en préparant ce dossier. Ayrton Senna, qui voulait bien donc et qui pensait bien qu'il gagnerait ce Grand Prix de Saint-Marin, avait avec lui, dans sa voiture, un drapeau autrichien qu'il aurait donc agité. Oui, à la mémoire de Roland Ratzenberger, qui était mort la veille. Et Roland Ratzenberger n'était pas qu'un pilote comme un autre pour Ayrton Senna. C'était un de ses très bons amis. Ouais. Ils avaient à peu près le même âge, ils avaient suivi le même parcours. Il était prêt à agiter non pas le drapeau du Brésil, son Brésil qu'il aimait tellement, mais le drapeau autrichien, pays d'origine de Roland Ratzenberger. Ça vous donne une idée de quel genre de personnage très, très, très profond il était. Pierre Houde, c'était un plaisir, comme toujours, animateur à RDS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.